Chapitre 23e. Houston, Texas, 1961. Dans une petite chapelle toute blanche, une cérémonie se déroulait. Lorsque l'orgue commença la marche nuptiale et que retentirent les cloches à toute volée, il y eut un hourra de la foule qui s'agglutinait à l'extérieur. Sur le parvis, enfin sortirent les mariés. Un homme serrant très fort contre lui sa jeune épouse, que la robe de mariée somptueuse et virginale n'arrivait cependant pas à cacher une grossesse en cours. Qui étaient donc ces deux jeunes gens à l'air si radieux? Revenons donc quelques années en arrière. Jessie, que nous avions laissée avec son fils Jordan ainsi que sa jeune femme Hélène en Amérique, juste avant la Première Guerre mondiale, avait continué leur petit bonhomme de chemin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils formèrent des réseaux de résistance en France avec l'aide des habitants. Pendant presque 4 ans, ils travaillèrent sans relâche pour que les infâmes envahisseurs reculent, en attendant que le débarquement ait lieu et qu'enfin la France redevînt ce pays de liberté, largement narré dans les familles Emerson et Flanagan, qui y avaient vécu et travaillé en bonne entente avec la population bien des années auparavant. Même les Navajos furent employés dans l'armée américaine contre les Japonais. Ils avaient un langage codé indéchiffrable encore de nos jours et participèrent activement à rétablir la liberté. Ils revinrent donc en Amérique à la fin de cette horreur, soignèrent leurs blessures et recommencèrent à travailler au ranch. Jessie s'éteignit à l'âge de 57 ans. Hélène mit au monde l'année suivante des jumeaux, un garçon prénommé Julian et une petite Jenny qui ne survécurent que quelques heures. Julian, lui, se maria et eut aussi 2 enfants. Et pour la première fois dans la famille Emerson, ce ne fut pas des jumeaux. Ils décidèrent donc de ne pas perpétuer la tradition qui voulait que le prénom de chaque jumeau naissant dans la famille commençait par un J. Ils les nommèrent donc respectivement Robert pour le premier-né, celui qui se mariait en ce beau jour de 1961, et son frère cadet Richard, âgé de 15 ans. Robert n'avait que 19 ans et sa jeune femme aimée 18. L'amour qui brillait dans leurs yeux était si fort que le père de Robert n'avait pu que consentir à ce mariage déjà consommé avant l'heure. La foule qui attendait dehors était en partie composée par des Indiens Navajos. Ceux-ci travaillaient sur le ranch G depuis sa création bien des années plus tôt. Robert avait attendu le résultat de ses études. Fort de ses excellentes prestations, sorti major de sa promotion de l'université de Harvard, il avait fini par obtenir de son père la permission d'épouser Aimée. Il devait par contre partir pour l'Europe et s'occuper à nouveau des biens de la famille Emerson que la famille Emerson possédait toujours en France, à savoir une banque. Celle-ci avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait du courage et un dur labeur pour tout reconstruire. Cela n'avait jamais arrêté un Emerson. C'était à lui désormais que revenaient l'honneur et le devoir, bien des années plus tard, de reprendre le flambeau laissé par ses ancêtres. Robert n'avait pas peur. Fort de sa fougue, de sa jeunesse et de sa science, il parviendrait à hisser encore un peu plus haut le fameux Empire Emerson. Richard, le cadet, quant à lui, était destiné à assumer les grandes entreprises américaines, achetées ou rachetées par ses aïeux. Mais pour le moment, il était encore trop jeune et continuait, comme son frère avant lui, ses études à Harvard. Robert alla donc en Europe le lendemain même de son mariage. Il voulait s'atteler au plus tôt à la tâche et installer au plus vite sa jeune épouse enceinte. Le voyage de noces ne dura que 17 heures de vol. Ayant laissé en France plusieurs chargés de pouvoir, la banque prospérait peu. Robert n'eut plus qu'à se remettre au travail. Sa jeune femme, quelques mois plus tard, fut conduite à la clinique du Belvédère et on téléphona à Robert aussitôt que les contractions la prirent. Celui-ci se rendit aussitôt au chevet de sa tendre épouse. Un médecin à son arrivée le prit à part. Monsieur Emerson, je me dois de vous dire la vérité. Voyez-vous, votre femme attend des jumeaux, mais ça, vous le saviez déjà. Par contre, les bébés sont mal placés d'une part et d'autre part, votre femme est très menue et... Que cherchez-vous exactement à me dire, docteur? Vous avez une mine bien sombre. Ma femme serait-elle en danger? Eh bien, pas exactement. Pour le moment, tout va bien, mais à l'accouchement, nous pourrions avoir quelques problèmes. Expliquez-vous? Je pense que pour l'instant, il est préférable pour votre femme que vous alliez la rejoindre et la rassurer. Dans ces conditions, si elle est calme, nous pourrons plus facilement l'aider. Vous ne m'avez pas répondu, docteur. Je veux savoir si elle est en danger. Je ne vous ai pas répondu parce que je ne le sais pas encore. Il faut attendre l'accouchement. Très bien, je vais aller près d'elle, mais je vous demande de tout faire pour que tout se passe bien, vous m'avez compris? Oh, parfaitement, monsieur Emerson. Nous faisons toujours le maximum. Robert, peu après, entra dans la chambre de sa femme. Se penchant doucement vers elle, il lui prit la main. Mon amour, comment te sens-tu? J'ai si mal, chérie. Oui, je sais, mais n'est-ce pas toujours ainsi lors d'un accouchement? Fit Robert en lui souriant tendrement. Je suis là, mon amour, près de toi. Détends-toi, n'aie pas peur, tout va très bien se passer. Tu en es sûre? J'ai vraiment très mal, c'est insupportable. Robert appela l'infirmière qui essaya à son tour de rassurer la très jeune parturiente. Vous êtes toute jeunette, madame Emerson. Ce sont les premiers bébés qui sont les plus difficiles. Après, vous verrez, cela devient presque une habitude. Cela va aller tout seul, ne vous crispez pas. Dans une demi-heure tout au plus, vous serez délivrée. D'ailleurs, je vous emmène dans la salle de travail. Et Robert commença à faire les 100 pas. Quand au bout de 20 minutes, le docteur reparut soucieux. Monsieur Emerson, vous avez déjà un fils, il vient de naître. Il est en parfaite santé. Par contre, je ne vous cacherai pas que j'ai un peu d'inquiétude pour le deuxième. Votre femme fait une hémorragie et quoi? C'est grave, docteur, il faut me dire. Monsieur, asseyez-vous, demanda le docteur à Robert très pâle. On va tout essayer, mais je ne vous cache plus mon inquiétude. Pourrais-je la voir? Pas maintenant, cela serait trop difficile pour vous, mais je vous appellerai si on. À présent, il faut que je retourne m'occuper d'elle. Un quart d'heure plus tard, le docteur revint de nouveau, la mine encore plus sombre. Vous avez un deuxième fils, monsieur Emerson. Par contre, nous n'arrivons pas à stopper l'hémorragie. Je crois qu'il vaut mieux que vous alliez voir votre épouse, soupira-t-il en baissant la tête. Docteur, elle ne va pas. Le docteur se mura dans un silence embarrassé. Robert se précipita dans la chambre d'accouchement où sa femme, étendue, exsangue, regardait ses deux bébés. Eh mais, mon amour, murmura Robert à son oreille, ils sont si beaux, si magnifiques. Tu voudrais leur donner un prénom, mon amour? Je t'aime, Robert. Je vais mourir, n'est-ce pas? Mais non, où vas-tu chercher tout ça? C'est ridicule. Tu es en parfaite santé, un peu fatigué, c'est normal. Les petits sont super, mais ils ont besoin de leur maman. Chérie, fais-moi plaisir, dis-moi comment tu voudrais les appeler. D'accord, mon amour, j'avais pensé à Jason et Jérémy. Ce sont bien des jumeaux, n'est-ce pas? La famille Emerson pourra ainsi continuer la tradition. Aimée s'essoufflait et murmurait à présent. Robert, fou de douleur, pleurait à s'en arracher le cœur. Il adorait tant sa tendre épouse. Il ne pouvait pas la perdre maintenant, c'était impossible. Un mauvais tour que tout le monde lui faisait, et une plaisanterie de mauvais goût. Aimée, mon amour, j'ai tant besoin de toi, moi aussi. Aimée, par pitié, je t'aime si fort, ne me laisse pas. Sa femme lui sourit doucement. Prends soin d'eux, mon amour. C'est le dernier cadeau que je te fais. Je t'aime. Et dans ce dernier murmure, elle s'éteignit. Non! hurla Robert, je ne veux pas, je ne veux pas. Ouvre les yeux, regarde-moi, j'ai besoin de toi. Il se pencha sur sa femme et sanglota toutes les larmes de son corps. Je ne pourrais pas vivre sans toi, je t'en supplie, reviens. Le docteur le prit doucement par les épaules. Venez, monsieur Emerson, venez. On lui mit presque de force ce jour-là les deux bébés dans les bras. Pourtant, s'il acceptait volontiers son premier-né, il lui restait une certaine répugnance pour le deuxième. À Jason, il avait mis un petit bracelet bleu au poignet et à Jérémy un jaune. Dieu, que faire? Se demandait Robert anéanti. Il n'était pas vraiment capable de s'occuper de deux nouveau-nés seuls. Il n'en avait surtout pas l'envie. Une seule idée restait dans sa tête, sa femme. Il n'y avait que cela qui comptait. Il n'admettait pas qu'elle l'ait quitté. Ce n'était pas possible, pas pensable. Elle s'était seulement endormie. Le docteur allait lui apprendre qu'elle s'était réveillée, qu'il fallait qu'il vienne la chercher. Il rentra enfin chez lui, s'assit dans son fauteuil, et la tête entre les mains pleura toute la nuit. Au matin, il fit sa toilette et décida que son cœur était mort avec Aimée. Par contre, il lui fallait trouver une nurse pour s'occuper des nouveau-nés. Pour l'instant, il n'aurait pas la force de le faire lui-même. À la clinique, l'infirmière lui indiqua plusieurs adresses, et en fin de journée, après un défilé de femmes, il choisit enfin. Madame Renard était une forte femme d'une cinquantaine d'années. Ses références est qu'elle avait réussi le tour de force d'élever seule ses quatre enfants, les trois de sa sœur décédée et les deux qu'elle avait adoptés. Le tout dernier de ses petits, malheureusement, était mort un mois après son accouchement, de la mort subite du nourrisson, et même à cette époque de progrès croissant, les médecins n'avaient hélas pu que constater le décès. Ainsi, elle jura que son ivrogne de mari ne la toucherait plus, jugeant que quatre enfants étaient plus que suffisants. Désormais, tout ce petit monde était lancé dans des métiers différents et elle se retrouvait un peu seule. S'occuper de jumeaux nouveau-nés ne lui faisait pas peur, au contraire, expliqua-t-elle à Robert. Elle donnerait tout son amour à ces deux pauvres petites créatures qui commençaient si mal leur vie. Pendant les 3 mois qui suivirent, Robert se lança dans les affaires à corps perdu. Il partait de chez lui très tôt le matin et revenait très souvent vers minuit. Il ne voyait pratiquement jamais ses fils. De plus, aurait-il voulu les voir? Madame Renard comprenait la souffrance de cet homme, mais il lui restait quand même ses deux enfants, que diable! Elle essaya bien au début de se retrouver sur son chemin avec un ou deux bébés dans les bras, mais Robert l'évitait, prétextant soit un travail à terminer, soit la fatigue s'il rentrait de la banque. Ce petit jeu pouvait durer encore longtemps, jusqu'à ce que Madame Renard décida un beau jour de parler à son employeur. Monsieur Emerson, je vous en prie, écoutez-moi. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Auriez-vous un problème, Madame Renard? Moi? Non, mais vous, monsieur, sauf votre respect, oui. Vous n'allez jamais voir vos petits. Ne croyez-vous pas qu'ils sont aussi malheureux que vous? Un bébé n'a pas de sentiments. Tant qu'on lui donne à manger, qu'on le change, c'est tout ce qu'il demande. Je crois que je vous paie pour cela, non? Monsieur, fit Madame Renard scandalisée. Un enfant même petit sait reconnaître son père ou sa mère. Ils ont déjà perdu leur mère, les pauvres chéris. Ne les abandonnez pas, vous aussi. De plus, ils sont si beaux. Assez, Madame Renard, fit sèchement Robert. S'il leur manque de l'amour, donnez-le leur vous-même. Moi, je ne peux pas. J'ai tout donné à leur mère, il ne me reste plus rien. Je ne veux plus avoir de discussion à ce sujet, est-ce clair? C'est très clair, monsieur. Mais je ne savais pas que vous étiez si dur. Après tout, c'est bien vous qui les avez faits, ces petits. Votre femme ne les a pas conçus toute seule. Madame Renard, désespérée, sut qu'il était encore trop tôt pour faire entendre raison à son employeur. La plaie était encore trop profonde, mais un jour il y viendrait. Question de patience et de persévérance. Il y retournerait à la discussion. Le bien-être de ses enfants en dépendait. Un soir, qu'il rentrait un peu plus tôt que d'habitude, il vit un ray de lumière qui filtrait sous le bas de la porte de la chambre des enfants. S'approchant sans faire le moindre bruit, il colla son oreille au battant et écouta. Ce n'est rien, mon tout petit. Le docteur va bientôt être là. Là, ne pleure plus. Est-ce à ce moment précis que le déclic se fit en lui? Il s'aperçut soudainement que si ses enfants, eux aussi, le quittaient, il n'aurait vraiment plus rien venant de sa chair disparue. Ne lui avait-elle pas demandé de prendre soin d'eux? Et lui, qu'avait-il fait? Il s'était lamenté sur lui-même et avait travaillé comme un forcené. Jamais, depuis le jour de leur naissance, il ne les avait repris dans ses bras. Il tourna la poignée de la porte et passa la tête par l'embrasure, ce qui le fit culpabiliser encore un peu plus. Un de ses fils était dans les bras de Madame Renard qui essayait de le calmer. Le petit était rouge de fièvre et hoquetait dans son giron. Un bref instant, les yeux de son enfant se posèrent sur lui. Il se vit dans ce reflet et, ne pouvant plus supporter ce poids, fit un pas en avant. La brave femme sursauta. « Oh, mon Dieu, monsieur Emerson, je vous avais pas entendu. Auriez-vous besoin de quelque chose? Lequel est malade? J'avoue que je n'ai pas fait attention, monsieur, mais il suffit de regarder à son poignet. » Ce qu'elle fit immédiatement. C'est le petit Jason, monsieur. Le docteur est prévenu, il arrive tout de suite. D'ailleurs, ce doit être lui qui sonne. Je vais rester là, madame Renard, je vais lui ouvrir. La brave nurse pensait revoir le docteur seul. Qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit que le père des enfants l'accompagnait. Celui-ci paraissait soucieux, restait sans voix à regarder le médecin ausculter le petit corps brûlant. Avait-il finalement pris conscience de ses responsabilités, pensa la nurse. L'avenir le dirait. Pour le moment, il fallait écouter les prescriptions médicales et soigner au mieux ce petit être. Une autre surprise attendait la nurse et de taille celle-là. Pendant que le praticien rédigeait l'ordonnance, Robert s'avança vers elle et lui prit le bébé des bras. La brave femme en resta coite. Se reprenant un peu, elle prit l'ordonnance et raccompagna le médecin à la porte, puis revenant sur ses pas. « Monsieur, je dois aller chercher les médicaments pour Jason, est-ce que... « Allez-y vite, Madame Renard, je vais m'occuper du petit et lui faire couler un bain. « Quelle température le médecin a-t-il suggéré pour le bain? « 37 degrés, monsieur, comme la température normale de notre corps, mais ne vous inquiétez pas et allez vite chercher les médicaments. » La bonne femme ne demanda pas son reste. Éberluée, elle alla à la pharmacie presque dans un état second. Comment un homme pouvait-il changer en si peu de temps? L'enfant était malade, certes, mais pas à l'article de la mort. Bien sûr, si ce changement continuait, elle n'aurait qu'à remercier le Seigneur pour avoir exaucé ses prières.